l'horizon sans fin. Rappelle-moi ton doux parfum, couleur d'été gelée. Frisson et douceur effacée, ta main sur le poing, caressée plus loin. Prendre le temps est hasardé, dans les ruisseaux humidifiés, de quel côté se aller, armer ses tirs préservés. Un doux remède à l'oubli, des yeux d'or dans le vent, des yeux si froids à présent. Pourrais-je y penser plus loin, pourrais-je seulement imaginer, sans un vent, sans même une vie, sans lourde douleur et sans. Qui ne ressemble à rien, avec aucune contrariété et sans vraiment rien penser, comme ce sourire de style posé là sur des magazines. Une jolie maison, joli jardin et tout, tout est plat, tout est serein. Rien ne manque à ce décor, même pas l'idée de la mort. De la mort. Tchau.